Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Comme je le dis souvent, installez-vous confortablement. On a deux bonnes heures de rock progressif pour vous. Et on donne le coup d'envoi ce soir avec un nouvel extrait de l'album Robinson Crusoe du tandem de Bernard and Porsty, deux des membres du triumvirat de Samurai of Prog. Et ce soir, on va voir la pièce de Rescue, une composition de Luca Scherani avec au chant Stefano Lupo Galifi. Et en passant, ce tandem a présenté en 2021 un superbe album Di Ricordi un Museo. On aura aussi Odessa, groupe italien, qui est sur le point de nous présenter un troisième album après 13 ans d'attente. L'album aura pour titre L'Alba della Civiltà et on aura la pièce L'Anno il Posto Laura. C'est une reprise d'une pièce d'un groupe italien des années 70 qui a pour nom Hippo. Peut-être que certains auront sonné une cloche. Et après ça, Marc, on va découvrir un extrait du nouvel album d'un compositeur ukrainien qu'on peut qualifier de prolifique. Oui, prolifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de la formation Carfagan, qui est dirigée par Anthony Kalugin, qui en est maintenant à son 13e album. Alors, il s'agit ici de l'album The Land of Green and Gold, dont on a fait jouer un premier extrait la semaine dernière. L'album récolte déjà d'excellentes critiques, là, même si ça fait seulement deux semaines qu'il est paru. On aura la pièce Garden of Hope. On aura également une formation de la Pologne, Pin Drop, une formation qui a été fondée à Warsaw en 2015, qui ont fait paraître un premier album en 2018 et un mini-album, un EP, en 2021, l'album Calling from Some Far Forgotten Land, on aura une pièce de ça. Mais on débute, comme Michel vous le disait, avec la formation Bernard et Porsty. We'll be right back. sia nostro il domani, combattere, sognare, liberi, via da qui, verso la mia terra che mi crede molto, via da qui, per riconquistare il mondo scivolato, via da qui. Via da qui, e lontano le mie terre già feconde crescono e cantano, ora sì davvero ti ho riconquistato, vita mia. Casa mia, vita mia, io ritrovo i miei ricordi dentro te. Vita mia, casa mia, ho lasciato il mio passato dentro casa te. Mia, vita mia, ora torno a respirare insieme a te. Respirare te, respirare te, respirare. Yeah. Thank you. Shine on like the very first. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez ma chanson « Le ciel est en place ». Ma TV et CKRL qui s'unissent pour parler de culture. Quoi de plus beau, sincèrement? Ma TV 9 Helix, chaîne exclusive Vidéotron, et CKRL, un binôme, un tandem au service des arts et de la culture de Québec. Ma TV et CKRL, parce que la culture, c'est notre réalité. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Voici le moment de renouveler votre carte de membre ou de poser un geste sensible pour votre radio favorite. Devenez membre de CKRL pour 25$ et stimulez l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. CKRL offre en exclusivité à ses membres 52 tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201, ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, on va amorcer le second bloc avec Framoro, une formation polonaise. On vous a présenté un extrait la semaine dernière. Second album pour cette formation qui est en fait un peu l'ancêtre de Millennium. C'est un projet du claviériste polonais Ryszard Kramarski qui, aussi, en outre Millennium, gère aussi The Ryszard Kramarski Project. Et c'est un second album donc pour ce groupe qui a pour titre My World is Ending. Un disque qu'on pourrait qualifier de assurément nostalgique et mélancolique. Il y a plusieurs sujets dont la pièce dont on va écouter donc qui a pour titre Living in the Shadow of the Dead. Il y a une pièce consacrée aux artistes disparus, probablement des idoles de M. Kramarski. Et puis on aura une nouveauté britannique, Steve Anderson. L'album a pour titre Journeyman Progress Part 1. Ce musicien a été guitariste de The Room, Grey Lady Down et aussi le groupe Sphere Cubed ou Sphere 3, un groupe qui réunissait aussi Neil Durant, claviériste maintenant avec IQ, et claviériste qui contribuait à The Road of Bones et Resistance. L'album devrait paraître le 4 février prochain. Et puis après, Marc, je pense qu'on a des nouvelles du côté de la Suède. Oui, c'est la nouveauté de la formation suédoise Arcadienne qui ont fait paraître un EP de 3 pièces en décembre. Alors, on aura la pièce Zenith. Le titre de leur EP, c'est Zenith Volume 1. Et également, la nouveauté de Cody Carpenter, ce musicien américain dont on fait jouer les albums depuis quelques années. C'est son 6e album depuis 2018. Alors, l'album vient tout juste de paraître, Balance of Extremes. On aura la pièce Vitality. Mais on débute d'abord avec Framoro et Steve Anderson. « Life is sweet, we love its freedom, so much to enjoy. Life is when we play and dream on to avoid the void. Life is good to feel emotions, till you're doomed to die. Life is full of situations that may break your life. Nothing lasts forever, everything can change suddenly from day to day. Fate is just like weather, sunshine turns to rain, danger comes your way. Happiness is tricky if it's there too long, and you find out you've been so shadow of death.

vi med ur en bilvälla. Falla kiinni sulautuu, sydän lanta yhteen punoutuu. Päivä näin synny aamusta, sillä valkeuden aika on musta. Herätyksemme on punahdusta, korvaasi kuiskaan pidän sinusta. Valossa sulattaa mielen riteisen, yhdistää ajatuksen aineeseen, tarttuu hetken ajattomuuteen. Kädet kätketyt sytyttää, thank you. your face on the pillow is freed from ovaries. Your breath so quiet and so calm, gone are your soles and your feet. Your hair's like trails for your thoughts, but your thoughts are not walking, I'm watching you, my dear. An ocean's lost just because you couldn't cry. A sky was lost since you never opened up your eyes. The whole world was put on hold, 'cause your mind wouldn't let your inner thoughts fly. I offered you the moon, said do what you want with it. I told you it's yours for a night, make the dark side of the front, turn on the light. I told you to go for a walk, find a place to sit and watch the wondrous sight. Jupiter shines among the stars while she spins the veil around her head, and far away you can see the earth hanging by a thread, just like a ship that's caught in a gale, waiting for the rescue on the open sea. But if you turn around, you will see the dawn filling all the holes on the moon, and you can swim in the craters all around. Lay down and let the sun wipe away the droplets from your skin, leaves you warm and dry.

On a eu le plaisir d'accueillir au festival en 2014. Et puis, je pense qu'un groupe qui avait fait une forte impression, notamment grâce à leur première partie de concert qui était acoustique, c'était époustouflant. Bien des gens sont pas revenus. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient été encore plus surpris s'il avait su que la veille, le groupe avait découvert que un de leurs guitaristes ne pouvait pas se présenter. Un de leurs amis a pris un avion pour atterrir à Québec le soir, la veille du concert, de la toute veille. Et puis le groupe a répété dans la chambre d'hôtel toute la nuit pour arriver le matin prêt. Et ça, vraiment, le chapeau, là, les gars, c'était vraiment bien tiré d'affaire. Et d'ailleurs, Louis Nasser, le leader du groupe, m'a raconté, peut-être quelques années plus tard, que c'était probablement le concert, un sommet dans la carrière de Sonus Umbra, ce concert à Terra Incognita. Inoubliable, ce qu'il m'a dit. Et je peux comprendre aussi qu'ils ont été sur le stress de savoir si tout était pour se tenir avec une seule nuit en répétition. Et puis, ben, on va écouter un extrait de leur plus récent album, A Sky Full of Ghosts, un excellent album paru en 2020. Mais en attendant, on écoute Headspin. Thank you. last night. The searing of my fearing brain woke me up with a terrible fright.